Entendez en arrière? Oui. Entendez-vous en arrière? Oui. Oui? Toi, tu m'en entends? Bien. Juste avant de commencer la période de questions. Si dit, t'en poses pas assez de questions. Parce que regarde, les gens sont obligés de t'en venir. Ben oui, c'est ça. Ou tu réponds mal à leurs questions. J'en ai une question, moi. Sur le sentiment, tantôt, tu parlais de reconnaissance, c'est-à-dire qu'on va rencontrer quelqu'un, puis on sait qu'on l'a déjà vu, ou on se sent tellement à l'aise qu'il nous... On a une forme de sentiment, de connaissance, de déjà vu. Pas une forme. C'est pas une forme, c'est quoi? C'est un sentiment? Oui. OK. C'est quoi? Comment ça s'explique? Par la parole. Peux-tu paralyser et m'expliquer? Oui, clarifie la question. Si je rencontre quelqu'un et que je sais que je le connais. Donc, tu rencontres quelqu'un puis tu le connais, autrement dit, tu le sais. Mais c'est la première fois que je le vois, mais je sais que je le connais. Ça, tu sais la personne. Oui. Tu la connais pas, mais tu la sais. OK, je sais. Je comprends que je sais. Je la rencontre et il y a un sentiment, il y a une vibration, il y a une perception de déjà connu, de déjà vu. Bon, plusieurs choses qui peuvent se passer. Premièrement, quand tu parles de déjà connu, de déjà vu, quand on parle de déjà vu, ça peut être simplement qu'il me semble que ce visage-là, je l'ai vu quelque part. Non, c'est pas ça. OK, parce qu'il y a une nuance. OK. Parce que le cerveau, il y a des mémoires, puis à un moment donné, il voit, il oublie, puis il retrouve. Fait que là, automatiquement, c'est comme si on l'avait déjà vécu. Ça arrive souvent dans des situations de la vie. Bon, mais le fait que la personne, on la sait. On la connaît pas, mais on la sait. Alors, tu la vibres tellement bien que c'est comme si tu la connaissais depuis longtemps, c'est ce que l'ego va décoder, mais tu ne la connais pas. Mm-hmm. Bon, puis si vous parlez, vous allez vous faire confiance presque instantanément, ça va. Premièrement, il y a nécessairement au niveau de l'onde de forme, au niveau de l'esthétique, une résonance qui s'établit dès le départ. Ça veut dire que les deux individus sont déjà bâtis de certaines façons de la même manière. Donc, ils ont des correspondances qui fait que ça crée des ponts de communication immédiatement entre les deux individus. Si moi, je te rencontre pour la première fois, et en te voyant, ça ne me dit rien. Donc, ton physique, je ne l'ai jamais rencontré. Mais là, si on commence à parler ensemble, je décode dans ton regard, donc ce qui est en arrière, quelque chose qui me va, ta voix, la façon dont tu parles, les mots que tu vas employer, et là, plein d'autres choses sur lesquelles, disons, la tradition n'a pas de mots à placer dessus, et je vibre que toi et moi, en tout cas, tu me plais. Comme ça, sans aucune raison. Je te fais confiance, comme ça, sans aucune raison. Sans raison égoïque, sans raison expérientielle. Je ne t'ai pas expérimenté pendant 5 ans pour savoir que je peux te faire confiance. Mais subitement, je te fais confiance. Plusieurs choses. Énergiopathie. Alors, on connaît un peu télépathie, On connaît un peu téléphatie. Téléphatie, c'est la communication entre deux individus. Téléphatie, c'est le pillage de l'un dans la tête de l'autre. Donc, lecture sans que l'autre le sache. Sympathie, c'est émotivement une communication où ce que là, on va être sympathique avec l'individu. Antipathie, c'est lorsqu'il n'y a pas de communication du tout. L'énergiopathie, c'est une communication au niveau énergétique. Elle s'établit de plusieurs façons. Premièrement, c'est sûr que si on est énergiopathe, donc disons télépathe pour l'instant, je vais te connaître sans information orale dans ma conscience, mais je vais te vibrer parce qu'on est télépathe, donc je te connais. C'est une chose, mais il y a une chose aussi. Une explication intéressante. C'est que l'être humain se construit tout au long de sa vie à partir des expériences qu'il va vivre, et les expériences qu'ils vont vivre vont finir par créer un ego. L'ego finit par avoir peur d'une chose, aimer telle affaire, etc., etc., dépendant de ce qu'il aura vécu. Tu peux avoir peur des chiens parce que tes parents ont peur des chiens, on t'a instruit d'avoir peur des chiens, le chien t'a instruit à avoir peur de lui, t'as mordu, bon, t'as peur des chiens, etc., etc. Bon, on a des archétypes comme ça, des phénomènes expérientiels qui nous bâtissent, et à partir de ce qui nous bâtissent astralement, c'est-à-dire psychologiquement, ce n'est pas ce que nous sommes au niveau de l'intelligence, mais on fait confiance à ça, puis on aura peur des chiens, même si on sait qu'on ne devrait pas, etc. Mais ça, c'est une chose. Il y a un ego qui est bâti. Mais l'être humain aspire, réincarne des mémoires 24 heures sur 24 tout au long de sa vie. J'ai expliqué à un moment donné que l'être humain était bâti, premièrement que les parents, génétiquement, se réincarnaient déjà dans l'enfant, c'est-à-dire que le corps physique détermine ce qu'est l'individu. Prenez de la drogue, prenez de la boisson, vous n'êtes plus le même. Ça altère le corps physique, ça altérera automatiquement la psychologie. Quand je dis qu'on n'est plus le même, on est le même, mais ce qui s'exprime n'est plus le même. Donc, même si on serait parfait quelque part, le corps va déterminer ce qui va s'exprimer à travers le corps. Bon. Alors, lorsque l'être humain vit, il réincarne, c'est-à-dire qu'il respire de l'air, du monde de la mort, ce qu'on appelle le ciel, là où vont les âmes après la mort, la vraie mort. Dans le monde de la mort, ça se dilapide. C'est pour ça que la théologie dit « tu retrouves ceux que tu as connus et aimés pour l'éternité ». C'est vrai, tu es dilapidé, tu es fusionné à eux, tu es une chose. Bon. Dans la réincarnation, le corps physique, le cerveau attire des mémoires qui peuvent s'en servir, les mains attirent des mémoires qui s'en serviront, les pieds, etc., tout le corps physique. Donc, le système endocrinien aussi. Alors, l'individu va donc vivre des luttes chez lui. Pourquoi suis-je comme ceci? Pourquoi suis-je comme cela? Je ne veux pas ceci. Par contre, je prie à faire ça, etc. Bon. Il y a plusieurs personnalités réincarnatives qui viennent constituer de la fécondation aller jusqu'à l'état d'adulte actuel, l'individu. Mais, quand je dis, à un moment donné au niveau du séminaire, c'est qu'à un moment donné, on découvre qu'un enfant de 4 ans joue comme Mozart aux États-Unis. Il y en a deux en Union soviétique, un au Japon, etc. Est-ce que Mozart s'est réincarné dans 4, 5, 6, 15, 20 enfants? Ben c'est ça, c'est bien ça. Bon. Alors, ce qui va arriver aussi, c'est qu'à un moment donné, une personnalité ou des personnalités réincarnationnelles vont m'incarner. Alors, à un moment donné, on jasait, puis on peut rencontrer d'autres individus, puis on se connaît. On se connaît en maudit. C'est qu'une grande partie de ce que tu es, c'est ce que je suis. C'est évident qu'on se connaît. On a vécu dans les mêmes temps, on a habité les mêmes corps, on a eu les mêmes expériences. Tout ça, c'est perdu un peu. Pourquoi? Parce que c'est fusionné et mélangé à plusieurs autres mémoires. Mais à un moment donné, quand je te rencontre, tu suscites chez moi des retours mémoriels. Tu me plais. Rien de mieux qu'un ego pour se plaire. Bon, c'est évident. Pourquoi je te fais confiance? Je me connais. Donc, je te connais. Je sais ce que tu peux faire ou ce que tu ferais dans telle situation. Puis quand un policier, ou par exemple, il y en a de temps en temps, il y en a des policiers qui se spécialisent là-dedans, c'est qu'ils vont sur les lieux d'un crime, puis là, ils essaient de se mettre dans la peau du criminel, puis ils essaient lentement, c'est ça, de l'imbiber. Ils veulent réincarner, aspirer, incarner chez eux les mémoires de l'événement, devenir le criminel. Après ça, ils vont être capables de tout expliquer au complet, bien, la démarche, les pas, tout ce qu'il a fait, puis on aura réellement une idée, un portrait psychologique de celui qui a commis les choses. Ça se fait. Le peintre, une personne qui fait de la peinture, les artistes ramassent. Ça, c'est qu'à un moment donné, ils sont totalement pilonnés. Et pour en ramasser plus, ils devront se droguer, ils devront boire, ils sont irritables. Pourquoi? Parce qu'ils sont extrêmement sensibles au monde de la mort, donc sensibles aussi au contact avec l'événementiel. Alors, c'est pourquoi il y a ce sentiment, c'est que là, il y a une symbiose qui se fait facilement. Nous sommes la même personne. Enfin, une grande partie de ce que nous sommes est similaire. Et ça, on aura ça entre hommes, femmes, hommes, c'est pas... Mais ça, c'est une grosse partie de ce qui va faire que deux individus, sans se connaître, se savent. Ils se plaisent. Ça fait longtemps, il me semble. C'est comme si, mais c'est ça. Et regarde une chose, juste avant. Tu vas dire des mots, il te comprend. Torieux, c'est le seul qui me comprend. Eh oui, les mots que tu dis ont exactement la même valeur chez lui. Sûr. C'est pas mal les mêmes. C'est une complémentarité. Oui. Il m'arrive de confondre anticipation et désir et intuition. Vos commentaires, s'il vous plaît. Ben, les commentaires, eh bien voilà, il vous arrive de confondre ça. C'est évident. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'émotion, il y a de l'ego, il y a du désir. Et le désir fait qu'on confond tout. On confond l'intelligence avec un désir émotif. On confond l'écologie avec un désir émotif. Tu sais, j'ai battu ma femme ou mes enfants, mais j'étais en colère, mais j'étais une juste colère, parce que ça leur a pas fait ça. C'est sûr que ça leur a pas fait ça, ou s'il n'aurait pas fait ça, n'aurait rien fait. Mais le droit aussi de le faire, oui, il y a des enfants de faire certaines choses. Alors, l'émotion colore tout. Qu'est-ce que c'est qu'être logique? Il y a des religions qui disent que la seule façon d'aller au ciel, c'est de tuer un infidèle, puis de mourir en tuant des infidèles sur un champ de bataille. C'est donc totalement logique que de faire la guerre. Mais c'est logique. Mais la logique, elle est toujours supportée par de l'ego, par de l'émotivité, par des désirs, par des visions illusoires, disons, même spirituelles, de certaines choses, des visions qui sont émotives. On aime Dieu, on le déteste, c'est nos dieux, ça reste une vision émotive. Confondre l'anticipation, le désir et l'intuition. La problématique, c'est que l'humain, l'archétype, dans l'Antiquité, les corps physiques étaient trop vaches, c'était pas assez subtil pour décoder plusieurs choses. Alors, l'humain n'avait pas le système nerveux qu'il a aujourd'hui. Donc, quand il percevait une intuition, ça donnait une saveur. Quand il percevait une anticipation, ça donnait la même saveur. Quand il percevait un désir, c'était la même saveur. Aujourd'hui, on devient plus subtil. Assez que ça devient problématique, parce que là, je ne sais pas, est-ce que j'achète cette automobile-là parce qu'elle me plaît ou parce qu'elle est intelligente? Mais est-ce qu'elle me plaît parce qu'elle est intelligente? Ou si elle me plaît parce qu'elle a des roues, des jantes en magnésium, puis elle est peinturée rouge, puis elle a deux soupapes d'admission par piston? Mais là, est-ce que c'est parce qu'elle est intelligente ou parce qu'elle me plaît? Mais si elle me plaît parce qu'elle est intelligente, c'est souvent ce que je dis aux gens. Si c'est intelligent, puis ça plaît à votre ego, allez-y, soyez content, en plus, il ne vous nuit pas. Souvent, c'est quand c'est intelligent, puis lui, il va aller, tu sais, la pomme puis le gâteau. C'est intelligent de manger la pomme, lui, il veut manger le gâteau. Mais si ça lui plaît d'être écologique, tant mieux. C'est assez douté, mais ça va bien. L'anticipation. Comment on peut parvenir à décoder? L'idée n'est pas de décoder. L'idée, c'est que l'être humain doit devenir un peu plus son seul maître. J'anticipe quelque chose, c'est-à-dire, disons, j'ai une préscience. Bien, de toute façon, elle ne pourra jamais vous servir parce que vous ne saurez pas présentement, vous ne saurez pas avant un grand laps de temps si elle est astrale, donc une coloration pour manipuler l'humain, ou si elle est réellement en fonction d'une perception intuitive d'un événement majeur. Pour l'instant, oublions ça. C'est frustrant pour l'ego, il aimerait prévoir l'avenir. Ça vous échange quoi? S'il prévoit l'avenir, l'avenir est déjà entaché. Donc, en partant, il est mieux de prévoir ce qui est mauvais. Il risque plus d'aller vers ce qui est correct. Ce qu'on appelle sidétisé à sens opposé. Sida, pour ceux qui savent pas, sinistre individu dominé par l'astral. Bon. Alors, voilà. On sidétise l'idée. C'est comme le MTS, c'est un martyr de la transition supplémentaire. C'est pas... Les désirs, la problématique du désir, c'est quoi? C'est que l'être humain compare. Et la comparaison fait qu'il y a automatiquement une friction qui va apparaître, puis il y aura une mécanique de possession, de se nourrir. Parce que l'humain est trop émotif, parce que l'humain a trop de désirs, on ne doit pas essayer de savoir. L'idée, c'est que l'ego veut toujours comprendre, toujours savoir ce qui lui arrive. Moi, ce qui c'est la façon dont je fonctionne, c'est pas la fin de la meilleure, c'est la meilleure pour moi. La façon dont je fonctionne, c'est que si c'est intelligent, puis que je conçois que c'est intelligent, bien, que je sois une intuition ou n'importe quoi, moi, je décide, je vérifie, ça va, c'est esthétique, c'est en conformité esthétique avec ce que je suis, je le fais. Oh, mais tu peux te tromper? Eh oui, c'est évident, je peux me tromper. Puis quand tu te trompes, mais maintenant, je me tromperai peut-être plus, puis je peux me tromper encore 20 ans de fil, pas de ma faute, je fais ce que je peux. Bon, bien simple. Alors, je ne me pose pas la question si tu es une intuition, si tu es supramental, si tu es mental, si tu es une manipulation. Non, ça c'est de la mentalisation. Elle est dangereuse, la mentalisation, à créer des cercles vicieux et à se ramener souvent dans des cul-de-sac. On est suffisamment intelligent pour savoir des choses, mais bien souvent, l'ego, puis la mémoire, puis les paquets de vieilles formes s'expriment plus facilement par notre corps. Comme j'expliquais à un moment donné à quelqu'un, je me suis acheté des gâteaux au chocolat. Puis au dépanneur, quand je les achetais, je ne voulais pas les acheter. C'est con. C'est alimentairement parlant, c'est mieux de manger l'emballage que de manger ce qu'il y a dedans. Alors, puis finalement, ben là, je la prends, mais je ne veux pas. Ben, tant spécial, ça n'a rien à voir. Bon, je la paye, je la mets dans mon auto, je rentre à la maison. Là, je la sors, mets ça sur la petite table, allume la télévision, puis je regarde les petits gâteaux. C'est con, j'en veux pas. Puis là, finalement, ben là, je déballe quand même, tu sais, je découvre, je me rends compte, je suis en train de déballer le gâteau. Là, je me dis, t'as rien qu'à les prendre pour les mettre aux poubelles. Ben oui, mais je les ai payés, du gaspillage. Je les mets aux toilettes, du gaspillage pareil, tu sais, encore en même temps. Là, t'en déballes, tu commences à le manger, puis c'est vraiment pas bon. Là, le corps, il résiste. Là, tu te dis, bon, ben, ce qui est avec, c'est lui, je jette. La boîte au complet. Ben oui, peut-être demain, ça va être... Mais moi, j'en souffre pas de cela. Pourquoi? Parce que l'humain est manipulé, premièrement, sauf que progressivement, l'humain a une conscience, il y a une liberté dans la conscience, mais il n'y a pas un libre arbitre réel sur le plan planétaire. Et on n'aurait pas le corps qu'on a si on n'a rien libre arbitre. On serait millionnaire, on a gagné longtemps à la loterie. En tout cas, alors, je sais, il y a l'ego, etc. Là, il y a une lutte qui va se faire. Je comprends l'intelligence, je comprends l'ego. Tout ce qui m'intéresse, moi, est-ce que c'est l'intuition de l'anticipation des désirs, des ci, des ça? La boîte, là, le matin, a pris le bord de la poubelle. Mais j'ai quand même goûté un morceau de gâteau avant. Puis après, c'est correct, c'est fini. Parce que toute l'énergie que j'ai de l'intelligenciation, je la brûle pas à me demander. Ben, je n'achète plus de ce genre de gâteau-là. Peut-être que ça va recommencer dans 6 mois. Ben, ça recommencera plus jamais après. Profitez de la vie, là, tu sais. On est intelligent, puis on lutte. Ben oui, mais luttez pas contre la lutte. Moi, j'en ris. J'ai goûté mon gâteau, là, puis c'était comme, j'en veux pas, puis j'ai en train de manger. C'est génial. C'est bon, bonnet. Ben, c'était pas bon, une chance. Non. C'était pas un bon client, par exemple, pour les études de marketing, parce que là, il essaierait de se demander, qu'est-ce qu'il va faire, qu'il va l'acheter, va-tu la manger, va-tu l'acheter? Oui, mais la mise en marché, c'est la même chose. On a simplement à fabriquer des choses que les gens vont acheter. Oui, mais si les ça, gens c'est font la bonne mise en marché. Si les gens font ça, là, s'ils commencent à se poser 50 questions, savoir s'ils vont le bouffer ou pas le bouffer, l'acheter ou le... Quand tu manges une pomme, tu te poses jamais pas ce genre de questions-là. L'ego ne veut pas se nourrir d'une pomme. La pomme, là, tu sais, oh, ben, pas bonne, ta mais là, tu la regardes, t'as pas le goût, t'en prends pas. Ton corps physique n'a pas besoin. Ah, le gâteau, c'est autre chose. Quand j'ai de l'intérêt pour un emploi ou une personne, j'ai une mémoire qui m'empêche d'agir et si j'affronte cette mémoire, j'agis en con. Comment puis-je me libérer de cette mémoire et offres-tu un atelier pour remédier à cette situation? Si oui, lequel? Bon, j'offre pas grand-chose. L'être humain doit s'arranger pour fonctionner de par lui-même. L'ego est le maître. L'ego vit de la médiocratie. Hein? C'est le pouvoir du médiocrisme. C'est simple. Alors, nécessairement, la personne, elle le constate ici même. Bon, elle vit pour quelque chose, puis là, il y a des archétypes, des mémoires, des réincarnations de ses grands-parents, peut-être, là, qui ne veulent pas que... Bon, en tout cas, expliquez comme vous voudrez. Une chose certaine, c'est que la personne ne peut pas bouger. Quand elle y va, elle perd tellement d'énergie à lutter contre elle, en même temps peut-être que de se vendre ou de s'harmoniser avec la personne qui pourrait l'engager, qu'effectivement elle agit en con. Mais surtout que nos égos orgueilleux s'entrevers, puis que je répète encore, vous n'êtes pas des égos, mais ça nous habite. Bon, ça nous charrie en tabarouette. Mais l'ego, ce qui arrive, c'est qu'il aime avoir raison. Alors, prenez quelqu'un qui marche sur un truc à peu près large comme ça, là, 8 pouces, un pied, et faites-le marcher sur 20 pieds, aucun problème. Placez ça entre deux tours à bureau là, de 25 étages, je peux plus. Pourquoi il a peur de tomber? Faites confiance à son ego, il va tomber. Alors, il doit éliminer l'émotivité, il doit éliminer l'ego, il doit éliminer plein de choses, les archétypes, il doit éliminer les anticipations astrales, c'est-à-dire les phénomènes de l'ego, puis il peut être capable de traverser. À moins qu'un avion passe. Bon. Alors, premièrement, il y a un séminaire que je donne. C'est un séminaire qui sert à quoi? Il ne sert pas à vous donner ce que vous voulez là. C'est un séminaire où ce que vous posez vos questions oralement directement pendant 2 jours, puis là, ben là, voilà, on répond, puis on parle, puis on explique un paquet de choses, puis finalement, l'individu comprend de plus en plus les mécaniques qui font cela. Mais on a 2 façons d'avancer dans la vie. On vous donne des solutions, puis vous restez dépendant continuellement de ceux qui amènent des solutions, ou on discute avec vous, puis finalement, la solution, elle arrive. On peut dire, vous l'amenez, mais on l'amène en tout cas. Il y a une solution qui apparaît. Mais là, on développe chez soi la faculté de cheminer pour solutionner. Encore devenir un peu son seul maître. L'avantage qu'il y a, c'est que vous n'êtes pas un disciple. On peut toujours devenir ami. Mais au minimum, vous restez capable après ça de cheminer. Alors, dans le séminaire, c'est ce qui arrive. La personne, elle a de l'information, c'est toujours utile. Et puis par la suite, à force de discuter, elle découvre rapidement que bien des fois, ce qu'elle a besoin, c'est de se faire confirmer. Parce qu'elle le sait. Existe-t-il réellement dans la tête humaine un point précis appelé Kavara? Si oui, quel est son nom en langage commun? Ben, il existe, effectivement, hein, c'est un ramassé d'axones, et puis en langage commun, il n'y a pas de point, il n'y a pas de nom particulier. Il suffit de prendre un mot puis de désigner une partie du cerveau, puis c'est un mot qui existe. Est-ce un point où les énergies bloquent? Et comment, quand et pourquoi? Non. Ce que l'on doit comprendre, il y a deux façons, encore une fois, d'évoluer. Quand je donne plein de mots, en réalité, ça crée, c'est une raison de changer énergétiquement. Ça survolte une salle, etc. Bon. Quand on veut se changer soi-même, on ne peut pas. Par exemple, je donne l'exemple des personnes qui méditent sur leur troisième œil pour le développer. Ben, Christy, est-ce qu'ils méditent sur les os, est-ce qu'ils méditent sur le système cutané, l'épiderme? Bon, ils méditent sur quoi? C'est vital, c'est énergétique, on ne médite pas là-dessus. On doit l'observer, l'accepter. Vous savez, quand vous prenez le téléphone pour appeler quelqu'un, là, vous pitonnez, et vous n'avez même pas entendu la tonalité. Puis là, vous avez fini, puis ça fait « Allô, allô? » Oui, oui, bon, ben c'était elle. Elle avait signalé pour vous appeler. Ça avait décroché avant que ça sonne, donc elle, ça n'a même pas sonné. Là, vous commencez à l'appeler. Là, il y a une communication. Là, on peut simplement s'en servir. C'est la vie, c'est correct. Tout devrait fonctionner facilement comme ça. On n'est pas habitué, on n'aime pas ça. C'est méritoire, faut qu'on mérite, faut qu'on travaille. Bon. Même chose pour le point où ces choses-là... Tout ce que l'être humain a à faire, c'est qu'il ne doit pas continuellement technicaliser toute son évolution pour en faire une démarche compréhensible par l'ego, de façon à s'autoriser à être. Vous marchez sur les eaux, deux choses. C'est un miracle, bien évolué. Mais la chose qui est certaine, c'est que si vous marchez sur une eau qui est pure, ça va bien. Profitez-en, avant qu'elle va tout arrive. Restez pas là à faire la philosophie aqueuse. Tu apprends un tremblement de terre, puis tu marches sur les eaux, c'est OS. Peut-on les débloquer de quelle façon? Les énergies qui bloqueraient dans la cavale? On les bloque uniquement lorsqu'on apprend à être transparent. Donc, on n'a pas besoin de... Il y a des techniques qui amènent à débloquer certains phénomènes du genre. Sauf que ça donne des résultats secondaires de l'évolution à l'être humain. Il, par exemple, quelqu'un qui devient télépathe, est-il plus évolué que quelqu'un qui est bon d'affaires, ou quelqu'un qui est bon pédagogue, ou quelqu'un qui est bon en musique? On va souvent dire oui. Parce que la télépathie, c'est quelque chose que pas plusieurs personnes ont. C'est un symptôme secondaire de l'évolution. Être capable de parler, être capable de penser, disons, de logiférer ou encore d'intelligencer les choses, c'est aussi très évolutif. Moi, je n'aime pas que, par exemple, il y a des centres d'énergie. Il y a une technique, à un moment donné, bon, que j'ai mis sur pied, parce que, ouais, sur pied, sur coucher, qui mène fille. Mène fille mentale contrôle le physique, donc le mental vers le physique. Il y a des personnes qui ont effectivement un paquet de symptômes. Il y en a qui font des voyages astraux, il y en a qui découvrent certains trucs dans le genre. C'est des résultats secondaires de l'évolution. Puis le problème qu'il y a souvent, c'est que si on s'arrête là-dessus, c'est là que ça ne va plus. Ils avaient tellement déjà de choses, là. Le mois d'avril, on va parler de phénomènes parapsychologiques et de ce genre de choses-là. Il y a souvent des questions là-dessus, donc on fait des thèmes qui vont venir là-dessus. Fait qu'on viendra sur la question sur comment développer des choses, mais surtout sur comment développer des choses. Autrement dit, si on travaille sur la globalité de ce que nous sommes, ça va tout se développer, ça va nous être utile à apparaître quand ça va être le temps. La seule journée que vous auriez besoin de savoir à quel bon chemin prendre, c'est la seule journée que vous allez le savoir. Et pour l'ego, c'est insécurisant, oui, mais les prochaines fois que je vais voyager, laisse donc faire. Quand on travaille sur l'humain globalement, tout ce qui vient, un qui devient télépathe, un qui devient orateur, un qui se met à écrire, un qui te met à flotter, tout vient comme il faut. Pourquoi vouloir être comme tel maître ou tel, bon, c'est pas nécessairement ce que la personne veut, mais l'idée de développer tel ou tel chakra qui développe ceci, cela, c'est comme apprendre à développer un point pour faire de la boxe. Ça évolue pas, l'être humain. Mais un être humain évolué saura toujours à quoi sert un point s'il en a besoin. Tout fonctionne à merveille pour toi. Ça va, hein? Mais ton idéal, ton but, est-ce d'améliorer les gens? Mais pendant combien de temps? Bon. Je n'ai pas d'idéal, ce n'est pas nécessaire. Une chose qui est certaine pour moi, c'est que plus l'extérieur est intelligent et écologique, plus ça m'arrange. Puis j'ai des raisons qui sont rarement compréhensibles par la majorité des personnes, pour la simple raison que je ne... Donc, ce qui me plaît, moi, c'est que dans les années qui vont venir, que tout soit un peu mieux. Comme ça, quand je vais être dans ce système de vie-là, ben, ça va être plus plaisant. je prépare la vie de des enfants de mes enfants. Et puis, la question qui est après ici, non, c'est pas fini, loin de là. Et là, l'individu cherche effectivement à savoir qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui me stimule, et bien, c'est plaisant, n'est-ce pas, d'être là? Est-ce qu'un humidificateur à ultrasons peut être néfaste pour le corps vital? Ouais, c'est sûr que si tu te mets les doigts dedans. Sachez une chose, n'importe quel conducteur électrique perturbe le champ d'énergie vitale. Bon, l'énergie vitale, c'est ce qui maintient la mémoire d'une chose. Le papier ici a de l'énergie vitale, il maintient sa forme. L'énergie radioactive altère l'énergie vitale, le feu aussi. C'est pourquoi d'ailleurs, avant, on brûlait les sorciers et les sorcières vivantes. On détruisait leur corps vital en espérant détruire le périsprit de leur âme, donc pas de fantômes, pourquoi ils viennent pas nous hanter après. Ils brûlent les vivants. Quand il y a un conducteur avec du fil électrique, ici, il y a un champ électromagnétique qui est créé, qui est perpendiculaire au conducteur. Quand on parle, par exemple, de la problématique des conducteurs d'Hydro-Québec, les conducteurs en courant continu, à haut voltage, qui engendreraient des cancers en bas, l'énergie vitale, l'énergie électrique magnétique d'un conducteur perturbe l'énergie vitale d'un corps physique, puis à un moment donné, le corps oublie sa forme. Et ça peut engendrer donc des maladies. Quand on parlait des champs électromagnétiques pour ramener la santé, si ta santé est pire que le champ, il te la remonte, c'est le meilleur, il te la descend. Bon. L'énergie radioactive perturbe tellement l'énergie vitale d'un corps qu'il le mute. Évidemment, on aura des mutations au niveau du code ADN qu'à un moment donné. L'humidificateur à ultrasons, bon, est-ce que ça peut être néfaste? Ce n'est pas. Regardez juste ceci. C'est silence chez vous. C'est silence. Quand il y a une panne de courant, il y a un bruit qu'on n'entend jamais, qu'on n'entend plus. Bon, ça, c'est la perturbation électrique au niveau de votre corps vital. Une maison intelligente est totalement construite avec des fils blindés. Il n'y a pas de chaîne électromagnétique qui sort. Comme ce fil-là, il est blindé. Pourquoi? Pour ne pas émettre et surtout pour ne pas capter. Bon, on peut le faire, mais on ne le fait pas. C'est pas encore assez connu, etc. Là. Puis en plus, ça coûterait un petit peu plus cher, mais ça coûterait moins cher finalement, parce qu'on vivrait en santé. Mais avoir le nez sèche, puis la maison sèche, c'est mieux d'avoir un humidificateur. Question facile. Qui nous a créé, pourquoi et comment? Bon. Je vais répondre très, très brièvement, là, mais ça ne répondra pas à grand-chose. Premièrement, l'ego veut connaître la chose. Qui nous a créé? Personne. Il n'y a pas de créateur intentionnel qui, à un moment donné, a décidé d'engendrer des êtres humains pour quelque raison que ce soit. Et ça, l'humain ne peut pas comprendre parce que Dieu nous a créés parce qu'il s'ennuyait. Pour nous martyriser. Il place deux enfants là, dans un jardin d'Éden, puis il met un couteau entre les deux, un arbre, puis il dit « Touchez pas ». Il aurait pu le planter n'importe où ailleurs, son maudit arbre, il n'aurait pas touché. Bon, ben, Puis après ça, dernièrement, je lisais un passage de la Bible comme ça à la télévision, et je suis un Dieu capable de vengeance, et je me venge sur toutes les générations qui vont suivre. Mais je suis aussi un Dieu capable de compassion. Bref, c'est ça. C'est fait ce que je dis. On va être bien correct. Marcher droite. Non, marcher croche. Alors, qui nous a créé? Personne. Pourquoi? La raison fondamentale, c'est... Ben, c'est ça. C'est complexe. Je peux répondre, mais répondre en 2 en 30 secondes, ça ne me tente pas. Il y a le séminaire où on en parle beaucoup, puis on pourra faire une conférence à un moment donné sur le phénomène lui-même. Parce que la réponse risque de perturber des égaux. Alors, émotivement, on risque de... C'est pas parce qu'on n'est pas assez intelligent, ça n'a rien à voir. Mais à un moment donné, l'égo, lui, il est extrêmement à l'écoute, puis il a hâte de savoir certaines choses. Quand je dis, par exemple, que la création est accidentelle, mais que l'être humain est, lui, intentionnel, qui nous a créés? Mais même si on dit c'est nous autres, c'est pas nous autres comme on est là. Puis il y a un rôle, puis il y a une fonction, mais elle est déjà achevée, mais est en cours. Nous sommes des créatures du temps, donc de la mémoire, même au niveau physique. Génétique sur génétique sur génétique sur génétique sur génétique, expérience sur expérience, psychologiquement c'est la même chose, mentalement c'est la même chose. Créature du temps, mais ça c'est le véhicule qui attend l'intelligence. C'est quoi l'intelligence? C'est instantané, donc ça n'existe pas. Eh oui, ça n'a pas le temps d'exister, c'est pas mémoriel, c'est pas dans le temps. Le temps, quantité d'espace, l'espace, quantité de temps. Définition d'une chose par une chose s'annule. C'est exact. L'astrophysique le sait. Le temps n'existe pas, l'espace non plus. Et pourtant, on se cogne la tête dessus. C'est avec de l'espace ou de la matière qu'on regarde pour comprendre que ça n'existe pas. Alors, répondre juste comme ça, là, ce serait une risée. À un moment donné, on prendra du temps qui n'existe pas, puis on répondra. Qu'est-ce que le système endocrinien? C'est 45 pages d'un livre. Le système endocrinien, c'est un système de glandes. Vous savez c'est quoi des glandes? Des ganglions, c'est un peu la même chose. On a différentes sortes de glandes, des glandes exocrines, les larmes, la salive, ça sécrète des choses et ça les rejette à l'extérieur du corps ou du moins à l'extérieur du système sanguin. Endocrine, ce qui est sécrété est envoyé dans le système sanguin et là, à travers le sang, ça va atteindre des récepteurs spécifiques qui vont faire réagir le corps. Là, par exemple, on a au niveau des catécholamines, on a au niveau des reins, l'adrénaline, que l'on connaît bien. C'est une hormone. L'hormone est sécrétée par une glande endocrine. C'est rejeté dans le sang. L'adrénaline va accélérer le cœur. Bon, il y aura un précurseur, ça peut être la noradrénaline. Il y a différents phénomènes du genre. On sécrète même une morphine naturelle, l'endorphine. Qui annule la douleur, qui nous permet aussi de rêver, des choses dans le genre. Le système endocrinien, c'est cela. L'astral, la psychologie de l'humain ne sait pas si elle vit une émotion, si le corps n'a pas l'expression émotive. Et l'âme, donc le système psychologique, exprime par de la voix endocrinienne ce qu'il vit dans le corps physique pour pouvoir le relire en tant qu'expérience. L'âme, c'est un individu qui marche dans la neige, mais qui n'existe pas. Il ne sait pas qu'il existe. Quand il voit les traces qu'il a laissées, je pense, donc je suis. J'ai marché, donc je suis là. Pourquoi les témoins de Jéhovah refusent les transfusions sanguines? Inconsciemment, transfusion de l'âme. Mais en réalité, c'est une transfusion de l'expression de l'âme. Pourquoi l'enfant vit-il tant l'émotion de la mère lorsqu'il est dans son ventre? Il nourrit par son sein. Donc, son corps réagit aux hormones de la mère. Alors, le système endocrinien, c'est ce qui sécrète à l'intérieur. Bon, voilà, le système endocrinien. Le serrement ou une piqûre, cela arrive partout, c'est de plus en plus fréquent. Qu'est-ce que c'est? Est-ce émotif? C'est émotif, on appelle ça une peur panique. C'est l'ego qui, de plus en plus, est confronté à de l'intelligence chez l'humain, à de l'intelligence autour de lui, à un décodage de l'intelligence, à de l'intelligentiation, donc une vision intelligente des choses au lieu d'une vision émotive. L'ego a de plus en plus peur, l'ego sent qu'il y a des parties de lui-même qui meurent, des habitudes qui se fondent lentement, et la personne devient extrêmement sensible. Dans la conscientisation, on devient aussi sensible, parce que c'est exactement comme on devient capable de discerner mieux. Pourquoi on devient sensible? C'est parce qu'on devient subtil. Devenir subtil, ça veut dire qu'on comprendra des farces plus subtiles qu'avant on n'aurait pas ri. On verra des pièges subtils, on verra des nuances à travers des mots. On verra des choses. Et nécessairement, on devient en même temps plus sensible pour plusieurs choses. Puis pour l'ego, ça devient de l'irritabilité. Donc, il devient irritable. Parce qu'il y a des centres d'énergie, comme par exemple une aiguille ou des choses comme ça. Il y a des centres d'énergie qui tournent dans un sens. Et à un moment donné, ils se stabilisent et partent dans l'autre sens. Ça crée effectivement certains problèmes du genre. C'est toujours une autre chose au niveau des pathologies des êtres qui se conscientisent. De temps en temps, le cerveau, sans décode quelque chose physiquement, alors qu'il n'y a rien physiquement. Bon, je donnais l'exemple souvent, ça vous pique, ça vous voit beau vous gratter. Quand tant que vous grattez, ça va. Quand vous arrêtez, ça pique encore. Le cerveau décode que ça pique, puis ça pique pas. Puis quand vous grattez, vous stimulez assez le poil, la région, que là, le cerveau est perturbé. Il y en a d'autres personnes qui ont des douleurs rétrosternales majeures qui disparaissent immédiatement. À la lecture de l'électrocardiogramme, il n'y a rien. Le cerveau qui est en train de bouger les choses. Là. Est-ce qu'une personne néotype et utopise en amenant des questions neuves? Absolument. Pourtant, il y a une ou des raisons qui justifient les questions ou la forme questionnelle. Ça ne change rien. Néotyper, ça, vu que ça part de l'humain, ça partira nécessairement au début de raisons. Mais la raison est de plus en plus intelligente, donc écologique, c'est-à-dire conséquentielle. L'écologie, c'est la compréhension des conséquences. Ça ne change rien que c'est de l'utopisation, que c'est du néotypage, même si ça part d'une raison. Présentement, c'est qu'on a besoin d'une raison pour que notre ego nous autorise à. Exactement comme, dites à vos enfants que vous les aimez. Mais il faut une raison. Pour l'ego. On pourrait gratuitement comme ça. On parle toujours avec un respect, t'arrives pas là pour les vampiriser, là, pour les têter. Mais on a toujours besoin d'une raison. Fait qu'à sa fête, on va en profiter. S'il y a un accident, on va en profiter pour se rapprocher de lui. De l'enfant même, on pourrait faire autrement. Mais en attendant, l'ego a besoin d'une raison pour nous autoriser à... Ben voilà, on y est, puis on utopise quand même. Doit-on plutôt jouer ensemble au jeu de la forme questionnelle et de la forme réponsielle en sachant très bien que cela n'a pour objet que d'amener de l'énergie? C'est une raison. Les raisons n'étant que le support formique énergétique. Mais c'est la même chose, mais ça reste une raison. À quel jeu énergétique peut-on jouer en plus des jeux de la question-réponse, du jeu de la parole seulement, du jeu énergiopathique? Ah, on peut jouer au tennis. Avec les... avec... ping-pong. Oui, ou ping-pong. Ou au ping-pong. Oui, ça, c'est une jeu qui est inventé avec ton gars, mais quand même. Avec quand j'étais au tennis, je suis sérieux. N'importe quel événement de la vie, donnez-moi n'importe quelle activité de votre vie, je vais vous en faire une technique évolutive. Bon. Il y a un homme d'affaires qui me disait à un moment donné, il dit, moi, là, j'aimerais faire de l'exercice physique, mais je passe mon temps au bureau, puis le reste dans mon auto, puis à la maison, j'ai plus le goût. Pas de problème, c'est un bureau pour te cacher, parfait. Bon, voilà, tu mets tes pieds au sol, tes tasses à droite. Mais ça bougera pas, c'est ça. Parce que tu fais travailler ces muscles-là. Tu rentres en dedans, tu travailles les autres muscles. Ils avancent un peu, ils avancent pas. Tu fais travailler les quadriceps fémorales. Tu rentres à l'intérieur, les biceps crurales. Puis il y en a plein. Tu perds tes mains comme ça, tu lèves ton bureau, tu tosses. Il y en a plein! Bon, en veux-tu des techniques pour devenir en santé puis en forme? Là, c'est musculaire. Au début, c'est souffrant, mais c'est sûr. Il fait de l'exercice physique. Mais c'est parfait. Tu attends l'ascenseur, tes pieds travaillent, ça s'en va de même, etc. Il y a des muscles. Merveilleux. Magnifique. Contrôle du corps, découvre le corps en même temps. Technique évolutive totale. C'est un art martial. Ça fixe bien mieux que le tai chi. C'est plus lent encore. Tu bouges pas. Le tennis, du yoga tennis, c'est quoi? Tu sais, on peut dire yoga tennis. Mais c'est une philosophie. La balle qui vient contrôle, l'ego qui perd, l'ego qui veut ceci, l'ego... La vie. La vie, c'est ceci. Parfait. À quel jeu énergétique peut-on jouer en plus... Ah, je l'ai posé, celle-là. Avec les jeux de l'énergie, la vie commence à être intéressante. N'en prend-elle pas toute une autre saveur? Oui, mais il y a aussi l'attitude, la façon dont on voit les choses. Moi, de temps en temps, je me place devant avec un individu, on se regarde dans les yeux, puis on s'arrange pour pas rire. Puis ça rit en dedans et qu'il n'a d'énergie, on la sort pas. Puis le plus on la conserve, plus on se synergise, puis on s'amuse. Puis à un moment donné, on peut juste regarder... comment ça s'appelle, Elvis Gratto? Là, t'essayes de rire? Non, je ris de mon chum parce qu'il y a l'unirie du film. OK. Gandhi, Martin Luther King et Mgr Romero étaient-ils centrés sur eux-mêmes? Non. Si oui, c'est non. Gandhi est en contact avec le plan bouddhique, mais pas avec le plan d'intelligence. Ces personnages-là en contact avec le plan bouddhique, sans être en contact avec l'intelligence, sont toujours des martyrs de l'amour. Non. La deuxième question, c'était si oui. On va voir. C'est non. Quelle différence y a-t-il entre l'intelligentiation et la mentalisation? La mentalisation, c'est la logifération à partir de données connues. Mentalisation va être... Bon, tiens, je t'ai curé de la vie, ça sert absolument à rien à vivre. Effectivement, m'a passé ma vie à travailler, m'a fait n'importe quoi pour mourir tout perdre après. Ça fait que m'a me suicider. La mentalisation, elle se poursuit. Oui, mais même te suicider, ça sert à rien. Parce que, de toute façon, ça change quoi? Être là ou être n'importe où ailleurs ou plus être là du tout, finalement, c'est le même processus. Quelqu'un qui croit à la réincarnation, mais dans le monde de la mort, tu reviens ici. La résurrection, ben, on va te ramener pareil à un moment donné. Puis là-bas, on va niaiser comment? Bon, le mental, la mentalisation, elle amène une course circuitement. Mais la mentalisation, au départ, elle est utile parce que c'est elle qui va amener vers l'intelligentiation. La mentalisation, elle va permettre de détruire des vieilles formes. À un moment donné, quelqu'un, tu vas voir une personne, tu poses une question, tu es un enfant, puis l'autre, tu te réponds, « Ah, les voies de Dieu sont impénétrables. » Ton mental, il te fait dire, « Crime, ça, il m'envoie de me coucher, il me dit, va te coucher, ferme ta boîte. » La mentalisation commence à te décoder. Et là, à un moment donné, tu te rends compte de plus en plus, « Crime, je me suis fait avoir là. » En réalité, on ne s'est pas fait avoir. L'ego, pour se libérer de quelque chose, doit se dire, « Je me suis fait avoir. » Prends un homme et une femme qui s'aiment, puis à un moment donné, se nuisent. Ils n'ont rien qu'à se laisser. L'ego ne t'autorise pas. Parfait. Quand ils s'haïront, ils se laisseront. Bon, alors quand tu haïs la religion, là, tu t'es fait avoir la religion, là, tu as l'âge. Ça, c'est le processus de l'ego, parce que on est, bon, il manque suffisamment d'énergie, là, d'expression d'intelligence pour que ça se fasse autrement. Bon, alors ce qui arrive, c'est que la mentalisation, elle va nous permettre d'en arriver là. C'est un peu mieux que l'intellect. La mentalisation va maintenant lutter contre notre ego, contre l'émotion. Mais elle se court-circuite facilement parce que le mental est créé par l'ego. Le mental, c'est la gestion des mémoires de l'humain sans la mémoire émotive. Alors, la gestion émotive, tu vois un chien, tu as peur du chien. La gestion mentale, tu vois un chien, tu sais que c'est dangereux. Puis la peur, bon, nous autres, là, c'est un chihuahua, tu sais, bon. Hein. Mais le mental. L'intelligentiation, ça fait appel à l'acceptation de l'intuition. Ça veut dire que le mental n'est pas capable de répondre à une question avec des choses neuves. L'intelligentiation acceptera l'utopisation, le néotypage, qu'est-ce que ça veut dire ces choses-là? L'intelligentiation. Par exemple, je fais des conférences dans les écoles, et puis de temps en temps, je leur dis, c'est évident que ce qui, il n'y a pas une classe convenable qui peut se faire si on a plus que 15 élèves. Puis si des enfants Teflon en haut de 10, on commence à se perdre. Oh, oui, mais ça. Quoi, ça? C'est intelligent ou non? Êtes-vous d'accord avec ça? Oui, mais ça. On s'en fout que ça change ou pas. C'est intelligent? Parfait. C'est intelligent, c'est ce que je vous dis, ça. C'est ce qu'il faut. Là, je ne mentalise pas. Le mental va dire, oui, mais c'est, même si tu le dis, ça ne change rien. Mais même si tu ne le dis pas, ça ne change rien. Mais l'idée n'est pas là. C'est intelligent, mais sachons-le. Puis un jour, ça va changer les choses. Ah, ça, c'est d'utopie. Exact. Parfait. J'ai fait une conférence à l'UQAM aujourd'hui. Puis celle qui était en charge de la formation des maîtres, ceux qui deviennent professeurs, me disait, même que de temps en temps, moi, on me trouve un petit peu trop positif. Bon, mais faites-en pas, moi, je suis utopiste. Ils vont me trouver positif en tabarouette. L'intelligentiation, c'est ça. Vous mangez quelque chose de mauvais. Puis là, le mental, oui, mais tu sais, mauvais ou pas mauvais, de toute façon, ça va changer quoi. C'est mourir du cancer du poumon ou d'autres choses. Mais mon mental, il me dit, moi, j'aime autant mourir de santé. T'as qu'à mourir 20 ans malade. Mais l'idée n'est pas là. L'intelligentiation, simplement, c'est d'accord. Mais est-ce que c'est écologique d'entretenir ta santé? Est-ce que c'est pas plus esthétique? Ben oui, c'est esthétique. De toute façon, c'est plus facile. Bon, puis en plus, tu te nibules moins. C'est toi qui fais ça. L'intelligentiation fait que moi, mon Kleenex, je le jette pas par la fenêtre. Ça dépolluera pas la planète. Je m'en fous. Il va dans les poubelles. C'est de l'intelligentiation. Ouais, mais t'es utopiste. Tu t'imagines que... Oui, je m'imagine que... Tu y crois-tu? J'ai pas besoin d'y croire. Ni de pas y croire. J'intelligencie les choses. Peut-il arriver qu'il y ait une raison intelligente à ce qu'un couple se laisse? Par exemple, si la révolution ensemble est finie, ou si vous pensez que l'intelligence ne sépare jamais un couple, même si les deux s'engueulent régulièrement et ne vibrent plus ensemble. Intelligence, c'est intelligent. Il n'y a plus rien, ça se sépare. La mémoire de l'intelligence, ce n'est pas intelligent. C'est l'ego, c'est la psychologie, c'est la tradition, c'est les archétypes, c'est l'expérience. Mais l'intelligence ne se mêle pas du phénomène du couple. Intelligemment, on ne devrait jamais s'obstiner. On ne devrait jamais avoir de problème. C'est de l'utopie, mais c'est ça. Puis si on devient suffisamment intelligent, on finit par être capable de comprendre. On ne peut pas l'appliquer, je le sais, lui-même manipuler. Mais à force d'intelligence, on va programmer ce qui nous, organise, puis progressivement, ça va se faire. Ouais, mais ça va se faire quoi, dans 200 ans, puis après. Une chance que mes arrière-grands-pères, moi, ils ont commencé à ramasser les roches d'un champ, à couper les arbres, parce qu'on ne serait pas assis ici dans nos têtes, on serait encore à faire avancer les bœufs. C'est pas le pire après, même si c'est dans 200 ans ou dans 500 ans. Surtout qu'imaginez que par hasard, si comme ça la réincarnation existe, faites ramasser en tabarnouche parce que c'est pour vous autres d'aller le faire. Puis ça n'existe pas, ça change quoi? C'est intelligent qu'on le fasse pour nos enfants, rien à foutre de nos enfants. Puis, même si on, c'est intelligent. L'être humain doit s'arranger pour continuellement, uniquement faire ce qui est esthétique en fonction de ce qu'il est, lui. Les raisons, les oublie. L'intelligence, est-ce que ça conserve deux êtres humains ensemble? L'intelligence, ça fait surtout que deux êtres humains se rencontrent pour s'enclumer. L'un devient l'enclume de l'autre. Bon. Alors, ça comme nuit, ça fait un poids. Sauf que ce qui arrive, c'est que si l'intelligence est capable de dominer là-dessus, l'humain se forme, c'est tout. Mais on ne peut pas dire, par exemple, ma femme m'empêche d'évoluer, mon mari m'empêche d'évoluer. Toute la société vous empêche d'évoluer. La vie vous empêche d'évoluer, finalement. Bon, l'évolution vous empêche d'évoluer. Tu te sers de ce qui est là. Quand on dit « rends ça beau », faut rendre ça beau, mais pas émotivement beau. Qu'est-ce qui est beau d'une relation de couple? C'est qu'aucun n'appartient à l'autre. C'est ça qui est beau d'une relation de couple. Bon, c'est parfait. Mais archétypalement, on va même aller chez signer un contrat. Tout arrive toujours à point sans que je sache d'avance. C'est vrai que c'est à point. Que ça va être bien ou mal, c'est à point. Par contre, les portes au niveau matériel, travail, sommeil, faim, physique, etc., sont comme fermées, mais j'ai tout ce que j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Je n'ai rien à décider, ni à contrôler. C'est quoi ce phénomène? Ben, c'est un phénomène humain. Il n'y a aucun humain qui contrôle puis qui décide. Il pense qu'il contrôle. Ça me dit que je le sais et je sais que je le sais. Avoir une explication, mais l'ego veut toujours avoir une explication et dormir à part ça. Oui. Puis dans certains cas, comme dans ce cas-ci, je ne donnerai pas d'explication à l'ego, pour la simple raison que l'ego, qui a plié à ce qui se passe présentement, la personne est capable d'avancer suffisamment seule dans ce qui est là-dedans ici, fait que je n'irai pas tout gâcher en me donnant une réponse, hein? Problème. Genou gauche, accident moto. Depuis 5 ans, douleur continuelle. C'est un phénomène énergétique. Blocage, point d'interrogation. Oui. Comment m'en libérer, guérison possible, physiquement ou mentalement? Les deux. Il y a plusieurs personnes qui restent malades longtemps parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont guéris. Mais c'est vrai. Bon. Surtout au niveau de la locomotion. Tu veux dire qu'ils se rappellent qu'ils sont malades de jour en jour, ce qui fait qu'ils restent malades? Ils sont habitués à boiter. C'est vrai. Pour tellement de maladies. Ayez une raison intelligente de guérir, puis vous serez guéri. Mais l'humain n'a que des raisons émotives. Puis dans la raison émotive, il s'habitue à son handicap, ce qui fait qu'à un moment donné, il s'en fait un ami. Il s'en sert pour communiquer avec autrui, pour ramasser des gens, pour etc. En tout cas, il y a une utilité à un moment donné. Et donc, guérison, oui, mentale. Première chose. Votre jambe, elle vous empêche réellement d'évoluer. Ben, mettez de l'énergie où c'est utile. À un moment donné, elle se passera bien tout seul. Même s'il y a un cancer généralisé dedans. Il y a plein de miracles qui se passent régulièrement. Là. De toute façon, la médecine crie assez d'avoir des miracles quelque part. Bon. Et travailler uniquement sur une jambe, c'est intéressant. La personne, elle le sait en plus que ce qu'elle a. Puis effectivement, au niveau mental, bon, au niveau de l'attitude, ça peut aider énormément. Et puis physiquement, les choses vont se passer. Imaginez simplement ceci. Quand vous avez une excroissance osseuse quelque part, à un moment donné, je peux vous dire qu'en évoluant simplement convenablement, là, en ayant du plaisir dans la vie, ça va s'en aller. Pas de sens, hein? Comment est apparue l'excroissance? Ça n'a pas plus de sens. Comment ça se fait que ça pousse là? Mais il y a mieux que ça encore. Comment ça se fait que vous étiez tout petit puis que vous êtes rendu grand comme c'est là? Parce qu'on est habitué. C'est évident. Parce qu'on est habitué. On peut rajeunir autant qu'on peut vieillir. Ben, ben, ben, ben. Comment on fait pour vieillir? C'est tout seul. La science explique qu'on vieillit, mais ne peut pas comprendre comment ça se fait. On prend une graine, on la met dans le sol, il en pousse un arbre. Ça n'a aucun sens. En tout cas, si ça en a un, ça en a un dans l'autre sens. On n'est pas habitué à l'autre sens. Ça fait qu'on travaille juste dans un sens. La guérison, c'est la même chose. Mais on ne doit pas. La guérison, ce n'est pas une chose à rechercher. C'est une conséquence? Ah, c'est un baromètre de ton évolution. C'est comme n'importe quoi, c'est un baromètre. T'es pas heureux, c'est un baromètre. Je cherche pas le bonheur, c'est un baromètre. Donc, plus tu vas bien dans ce que tu dois être, plus ça va aller. Les affaires vont aller, la famille va aller, la santé va aller. Je dis souvent l'abondance, qu'est-ce que c'est? C'est avoir du temps et de l'argent. Moitié, moitié ou à peu près. Partout sur la planète où il y a de l'argent, les gens n'ont pas le temps. Partout où ils ont le temps, ils n'ont pas d'argent. Pays pauvre. Bon, c'est la même chose. C'est un baromètre. Alors, on ne doit pas essayer d'éliminer ceci, cela ou cela ou cela. On doit simplement s'arranger pour être plus ce que l'on pense, être ce qu'on aimerait être, se désinhiber là, dans des choses. Puis il y a un paquet de trucs dans le genre extrêmement utiles pour savoir où ce qu'on en est, qui vont commencer à s'en aller. C'est le moment que tu te flattes ton égo, hey, j'ai réussi. Mais il y a un bouton qui va te pousser quelque part. Un disciple demande à Sri Maharaja, oui. Que doit-on faire? Il répond, faites tout ce que vous ne pouvez pas faire. Autrement dit, il ne faut rien faire ou faire ce que l'ego ne peut pas faire. Et donc, comment le faire? Ou bien non, Sri, ça n'a pas ce qu'il disait. Il y a tellement de points de vue possibles. On les étudie jamais tous. Faites tout ce que vous ne pouvez pas faire. Ça s'adresse à l'ego comme réponse. Ça ne veut pas dire que Sri n'est pas correct. Ça dépend de qui pose la question. Ça s'adresse à l'ego. L'ego ne peut pas exprimer d'amour intelligent. Quand le Nazaréen disait à machin, là, à Belzébuth, le Barabbas, aime tes ennemis. C'est impossible. Quelqu'un qui aime d'un amour humain ne peut pas aimer tes ennemis. Ben, c'est ça. Fais ce que tu ne peux pas faire, mais votre intelligence peut le faire. Mais l'ego ne peut pas le faire. Fais ce que l'intelligence a à faire. C'est simple. Mais s'il y avait juste l'intelligence, il n'y aurait pas de guerre, parce que tu ne serais pas capable d'aller sur un champ de bataille en jeu comme ça. Mais il n'y aurait même pas d'ennemis. Il faudrait tuer ce robot-là. Non, il n'y aurait même pas d'ennemis. Il n'y aurait pas sur un champ de bataille. En plus, il ne se ferait pas tuer. Et c'est ça que l'humain ne saisit pas. Il ne se ferait pas tuer. Il n'y a pas une balle de fusil qui va oser frapper une personne comme ça. Comment il s'appelait Henri Dunant, ça vous dit quelque chose? Non. Non? La rue transversale chez les voyous, c'est quoi? C'est Henri Dunant. Ouais, mais je cherchais la relation avec... C'est un Suisse, un ex-Suisse, qui est mort. Il reste pas chez nous. Non. Lui, à un moment donné, il en avait marre des guerres, des ci, puis des ça, puis de voir le monde crever, c'était un médecin. Ben, il a pris son drapeau suisse, hein, c'est un drapeau rouge avec une croix blanche, puis il a fait un inverse, un drapeau blanc avec une croix rouge, puis il est allé chercher du monde. Puis finalement, il a ramassé autant les ennemis que les neutres que les alliés, il ramassait les blessés. Bon, c'était celui qui a fondé la croix rouge. Il s'est pas fait un champ de bataille, hein? Puis ça tirait en tabarouette là-dedans. La preuve, il y en avait plein de blessés à ramasser. Puis dans le début, là, on connaissait pas la Croix-Rouge. Il allait y ramasser quand même, mettait son drapeau, ça se tirait, ça se bombardait. On ne touchait pas. Puis à un moment donné, les gens ont fini même par se dire, crime, c'est tiré, là, il y a un gars pas de soi dans le chemin. Il se sent maudit, on pense qu'on s'y écroche, arrêtez de tirer. Il ramassait le monde, il partait, là, on continuait à se tirer. Mais une balle frappe pas un être humain comme ça. C'est quoi l'explication? Il n'a pas besoin d'explication, ça fonctionne. Mais soyez assez peu. Faut mieux l'essayer. Alors, il n'y a pas d'arme. Il y aurait eu une arme sur lui, Henri Dunant, puis il ne serait pas passé. Quand je pense au champ de bataille, vous m'amène au moins le revolver. Il fallait pas qu'il doute. Mais j'ai pas besoin. Non! Pas de revolver. Puis si tu te fais tuer, tant mieux. Et si tu restes en vie, ben tant mieux, l'humain est capable de le prendre. Tu sais, tout est parfait. Ou son tronimage, je m'en vais, ou ben non, sont suffisamment changeables pour valoir la peine qu'on reste. Change pas toute l'humanité d'un coup. Henri Dunant voulait pas changer l'humanité. Mais l'idée, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas une balle qui va frapper un humain comme ça. Est-ce qu'il y a des moyens plus radicaux que l'observation pour s'en égoïser? Je voudrais souffrir, je voudrais souffrir pendant 2 semaines plutôt que 2 ans, par exemple. Si oui, lesquels? C'est moins pire. Ouais. Une chose, plus on est pressé, plus ça prend de temps. Parce que plus on est pressé, plus on a d'égo. Puis plus on est patient, plus ça va vite. Parce que plus on est patient, moins on a d'égo. C'est un paradoxe de l'évolution, mais qui est évident. La personne dans sa question, elle aimerait souffrir 2 semaines. Elle va nostalgier ces 2 semaines le restant de ses jours. Alors, ça ira pas mieux. Non, ça se fait vite. Ça se mène bien plus vite que vous pouvez penser. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'on souffre toujours un peu. Fait que plus ça va aller vite, plus c'est souffrant, plus on souffre. Ah non. La personne, plus on est. Plus, l'évolution, c'est même pas souffrant, c'est facile et amusant. Et c'est parce qu'il y a des luttes, des résistances, puis souvent il y a trop d'égo. Puis quand il y a de l'égo, souvent on va aller vite aussi, on est impatient. Impatient, c'est trop pollué, impatient, encore des guerres, ou impatient, on est ceci ou cela. C'est pour ça que c'est souffrant. Comment instruire l'égo à aimer de façon intelligente? On ne peut pas instruire l'égo à aimer de façon intelligente. On devra finir par ne plus se fier à sa lecture au niveau de l'amour. Par exemple, un exemple comme ça, là, ceux qui n'aiment pas entendre parler de certaines particularités de la sexualité, bouchez-vous les oreilles. Ben, c'est ceux-là qui sont les plus grands amoureux. Mais... Bon. Comme un homme, par exemple, qui aurait une érection en regardant une femme. Il n'y a rien à en foutre de son érection. Ça ne veut pas dire qu'il est tout gay. C'est pas lui, ça ne la regarde même pas. Il va se faire avancer, il va se faire manipuler. L'ego a besoin. OK, OK. Mais l'être humain, là, à un moment donné, c'est parce qu'on fait toujours avancer comme ça. La femme, par exemple, qui a une réaction particulière, elle s'imagine tout de suite que les archétypes, quand tu as ça, ça veut dire ça. Mais quand j'ai ça, là, c'est pas moi, c'est mon corps physique. Puis il y a le droit en plus de réagir. Mais moi, là-dedans, je suis autre chose. Mais c'est ça. Moi, là-dedans, je fais d'autres choses. Alors, on ne peut pas instruire l'ego, mais l'ego, ça ne dérange pas. Ça dérange uniquement quand c'est lui qui est le maître contrôleur. Mais à part de ça, ça ne dérange pas l'ego. Tu sais, tu manges une pomme puis tu aimes la pomme, ton ego aime la pomme. Tu ne manges plus de pomme. L'ego, il dérange uniquement quand il vient obscurcir notre conscience et tout. Mais on ne peut pas instruire de la mémoire une façon d'aimer sans mémoire. L'ego ne peut pas aimer quelqu'un qu'il ne connaît pas. Bon. Il ne peut pas aimer une ville qu'il ne connaît pas. Alors, il devra attendre qu'une réaction sentimentique existe, la vraie relation d'amour. Et lorsque cela aura été expérimenté, là, l'ego pourra maintenant commencer à aimer la ville ou aimer l'individu. Puis plus il va le connaître, plus il va l'aimer. On ne peut pas instruire un ego de faire autre chose. Mais nous autres, on doit simplement s'autoriser à vivre de d'autres façons. Puis même si, bon, à un moment donné, vous êtes en colère, puis là, vous criez, etc. Mais oui, ben oui, ben c'est ça. Vous vous êtes fait ramasser, c'est tout. Pendant que ça criait, vous n'étiez pas là. Pas vous qui avez crié. Mais mes paroles ont dépassé ma pensée. Ben non! Vous étiez pas là! Ça criait tout seul. Je lui donnais un coup de poing dans un mur, vous êtes pas mal. Ben oui, mais c'est pas vous. Ah, OK, après ça, vous venez dans le même corps physique, puis là, ben, vous devez supporter des conséquences uniquement parce que les égaux des autres, vous les mettez sur le dos. Pourquoi t'as crié? Je voulais pas crier. Mais celui qui vient de dire ça n'a pas crié. C'est assez intelligent. Si vous me dites ça, ben, vous voulez, bon, ça veut dire que je continue à vous gueuler. Ouais, mais c'est ça que t'as dit. Pas ça, je voulais dire. Tu l'as dit quand même. J'ai rien dit. C'est l'ego qui a parlé. Veux-tu qu'il revienne l'ego? Il va recommencer à crier. Mais vous et moi, non! Non, je trouve ça con, je trouve ceci, je trouve ça, c'est pas moi. L'ego, on l'éduque pas, mais acceptons de se dissocier de ce qu'il est. Donc, on se culpabilise moins, fait que l'énergie qui sert à la culpabilité va servir à notre énergification. Si les juges fonctionnaient comme ça, les prisons seraient vides. Non, parce qu'on doit mettre le corps physique dans lequel vient s'exprimer le tueur en prison. Et là, la personne intelligente dans le même corps se ramasse en prison aussi. Et là, ce qu'on devrait faire, c'est de l'instruction pour que la personne intelligente finisse par dominer sur la personne qui tue. Elle ne tuera plus. Et ce qu'on essaie de faire, c'est qu'en prison, vu que la personne qui tue ou qui viole ou qui vole ne peut plus s'exprimer, lentement, l'ego perd de la mémoire. Le temps efface tout, l'ego criminel meurt. Sauf si, évidemment, il y a des prisonniers qui rentrent régulièrement pour t'énergiser avec leur discours et ce qu'ils ont fait. L'université du crime. Mais l'idée de la thérapie, c'est ça, c'est qu'à la longue, ils vont sortir, ils vont être purifiés. Pour que ce soit une vraie thérapie, il ne faudrait pas qu'il soit entre d'autres prisonniers, parce que les mémoires n'arrêtent pas de se... C'est ça, il faut qu'il soit en contact aussi avec d'autres phénomènes. On se rapproche socialement de ça, sauf que le problème qu'il y a, c'est qu'il y en a trop qui rentrent, fait, finalement, avant qu'il soit sorti, que la partie problématique soit, disons, exorcisée, enfin, pédagogisée, thérapisée. Hein, c'est plus scientifique, mais les prisonniers sortent. Pourquoi suis-je obsédé sexuellement? Et qu'il faut que je fasse l'amour avec de nouvelles conquêtes, et j'aime ça. Premièrement, l'ego aime ça. La preuve, pourquoi suis-je obsédé, donc une partie de l'individu qui n'est pas content. Et c'est évident. C'est cette partie-là qui est la valeur de l'humain. C'est elle qui pose la question. C'est sûr. Puis qui dit j'aime ça, c'est l'ego qui finit. La parole fausse, les deux parlent en même temps, c'est toujours comme ça un peu. Premièrement, le corps physique de l'homme est basé pour faire des choses dans le genre. De temps en temps, on a des femmes qui peuvent avoir la même chose, mais l'idée surtout, c'est avec, par exemple, de nouvelles conquêtes. C'est exactement cela. C'est l'ego a besoin. L'ego est un ego totalement insécure, totalement instable, totalement médiocre dans certains niveaux. Et il a besoin de inconsciemment se prouver qu'il est virilement le maître de ses conquêtes. La seule façon de maîtriser totalement un individu sur toutes ses facettes, c'est de violer tout son espace vital. Ça inclut violer le corps physique, même si la personne est consentante, si on est consentant. Allez dans un bordel, messieurs, puis vous ne voulez rien faire. Assoyez-vous une table, il y a une femme qui vient se placer devant vous, vous ne voulez rien faire. Là, elle commence à vous branler les genoux en dessous de la table. Ils connaissent les trucs. Puis à un moment donné, vous allez être content, hein? Puis une fois sorti de là, vous êtes fait avoir. Mais vous étiez consentant, vous ne pouvez pas vouloir la fille. C'est la même chose. On n'est pas consentant. Alors, ce qui arrive, premièrement, c'est que la personne, elle est totalement manipulée par sa génétique. Puis par l'ego, vous devez expérimenter le phénomène. Se culpabiliser, ça ne sert à rien, mais c'est évident que l'individu doit intelligencer suffisamment à un moment donné pour découvrir une autre valeur esthétique de la relation énergétique. Puis ce n'est pas parce qu'on arrive à contrôler le corps d'une femme qu'on contrôle de l'intelligence chez une femme. Même chose chez l'homme, on ne contrôle rien. L'individu qui contrôle une femme et qui gagne, il gagne seulement si puis après... Si après, plus jamais il y a besoin. Et on ne gagne pas s'il faut recommencer chaque fois pour gagner en chose. J'ai encore la pensée de tuer tous les jours. Je me contrôle, mais j'ai peur. C'est pas dur à tuer un jour. J'ai rien dit. Je me contrôle, mais j'ai peur de le faire si je suis dans une situation de vie. Bon, de vie ou de mort? Qu'est-ce que c'est qu'une situation de vie ou de mort? C'est une situation où votre corps physique est en danger. Et une chose qui est évidente, c'est qu'un individu qui se promène sans armes dans le métro, s'il se fait agresser, l'agression normalement finit d'une façon très bénigne. L'individu qui se promène avec un couteau s'en servira. L'individu qui se promène avec une arme à feu s'en servira. La meilleure chose, encore une fois, c'est promenez-vous avec rien d'autre. Oui, mais si je me fais attaquer, les êtres humains, à un moment donné, deviennent tellement pétillants, tellement vibrants, tellement respectables, que ce n'est pas ceux-là qu'on attaque. Alors, pour l'ego reste insécure, oui, mais prenez encore Henri Dunant qui se pointe avec une arme à feu sur les terrains de bataille, il ne serait pas resté là, lui. Alors, c'est une chose qu'on doit finir par apprendre. On est dans un monde de prédateurs, ça va de soi, mais on n'est pas nécessairement des proies. Alors, j'ai encore la pensée de tuer tous les jours, je me contrôle, mais j'ai peur de le faire si je suis dans une situation de vie ou de mort. Intelligencez les choses. Utopiser un petit peu. Il n'y aura pas de problème, ça ne changera pas du jour au lendemain, l'ego est bien bâti. Là, mais donnez-vous du temps, puis allez-y. Contrôlez. Mais ne pensez pas devoir faire ça toute votre vie. Reprogrammez ce qui doit être contrôlé. Pour qu'il travaille dans le même sens que vous. Mais mieux. Alors, on prend une pause de 2 semaines. C'est ça? On revient dans 3 semaines. Bonne fête. Donc en avril. Là-dessus, ben amusez-vous. Ah, j'ai le catalogue.